t'ont rendu sourd. Ouvre la porte, ouvre la porte. Avec tout l'élan du monde et ton corps à plein, rassasier ma faim. Ouvre la porte, ouvre la porte. Avec les rires de la guerre et des petits matins, tu m'as fait tomber par terre. J'ai pas compris toutes les phrases qui t'ont rendu.